m'a souffri dans la vie, c'est parce que moi mais en pile belle fille. Moi ta reme connais, si c'est quoi tout garçon. Dans la vie, messieurs, souffrance garçon, pape j'en fini. Avec yon ban, belle bébé. Son pape j'en fini avec yon ban bel bébé et nan la rue. Frèmè se yon bel bagay, mè son kwa pou tout gason. Frèmè se yon bel bagay, mè son kwa pou tout gason. Mè poupe remè trimel, mè regal remè yotou. Frèmè se yon bel bagay, mè son kwa pou tout gason. Mes prospères et mes femmes blanches, mes Moïse et mes Yotou. Mais c'est une belle bagaille, mais son quoi pour tout garçon. Mais c'est une belle bagaille, mais son quoi pour tout garçon. Si Camor et mes négresses, mais moi-même mes Yotou. Mais c'est une belle bagaille, mais son quoi pour tout garçon. Mais c'est une belle bagaille, mais son quoi pour tout garçon. Mais son quoi?